Cause you feel it, don't forget where your mind goes for. Je trouve que ce premier extrait du nouvel album de Editors a un petit goût d'Owl Nation, sans doute une joie commune pour nous faire fouler un dance floor que je ne fréquente plus depuis longtemps. Cependant, Editors, c'est aussi être plus sombre, comme dans Heart Attack, deuxième extrait du soir de EBM, nouvel album de Editors. Black and white. We were always meant for this. Shot through the dark, my reason to exist. Wow. My baby, don't Ce soir, Pop & Rock sur l'attrait local RVR vous fait découvrir Editors et leur nouvel album. Voici le troisième et dernier titre du soir, Dégâts de Editors. Profitez donc de Karma Climbed. Stand down. Comme tous les lundis entre 17h et 18h, vous écoutez donc Pop and Rock sur la très locale RVR. Et comme par magie tout à l'heure nous parlions d'Owl Nation, vous savez quoi ? Les revoilà. Owl Nation, l'illuminé californien, trouvera toujours sa place dans Pop and Rock, mais ce soir il n'en aura qu'une toute petite car en grattant et en cherchant, j'ai eu un flash avec un groupe qui n'a que 3 albums à son actif, Broken Bells. Je les découvre à leur 3e album, alors écoutons un premier extrait de Into the Blue, leur dernier album, et on en reparle après. Overlapping lines in time, cross and fade and intertwine. When love combined, hey. Dans Pop and Rock, lorsque nous découvrons un nouvel artiste, nous avons coutume de dire que si trois titres de l'album nous plaisent, l'album doit valoir le détour. Pour Broken Bells, c'est pas plus pas moins de 5 titres que je vais vous envoyer ce soir. Bien calé au 104.6, vous écoutez Pop and Rock sur RVR et ce soir nous sommes accompagnés de Broken Bells qui nous présente Into the Blue, leur dernier album. Change your mind. James Mercer au chant et à la création, Danger Mouse producteur complice, voici donc Broken Bells, créateur de Into the Blue, un album à déguster sans modération, notamment grâce à The Chase, quatrième titre du soir de Broken Bells. We'll be right back. Broken Bells est par bonheur dans Pop and Rock sur RVR. Belle découverte d'un vrai songwriter, un nouveau dandy du rock de la scène de Los Angeles. Et ouais, la patrie du bourrin texan s'est aussi donné naissance au meilleur de la musique pop and rock. Profitez, voici We Are Not In Orbit Yet, dernier titre du soir de Broken Bells. Turn, born on the top. Et à présent, avec quoi enchaîner notre soirée pop and rockienne ? Lazarus de David Bowie ? Ok. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. My brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? Quelques mois, Pop and Rock vous envoyait plus de 7 minutes des King Gizzard and the Lizard Wizard. Rappelez-vous, Rattlesnake. Rattlesnake. pour nous quitter, ce sont les Australiens au pseudo plus que psychédélique, donc les King Gizzard and the Lizard Wizard, qui vont nous offrir un extrait de leur dernier album qui va bientôt sortir. L'album s'appelle Changes, le titre de ce soir s'appelle Hate Dancing. Patience, leur album arrive bientôt. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et bisous à tous.